C'était agréablement surpris par la déclaration devenue historique du 21 novembre de l'année en cours à la conférence des cadres, au cours de laquelle le chef de l'État, dans un grand élan de magnanimité, a manifesté son patriotisme, son élévation de pensée et son amour sans faille de la patrie nigérienne. Par son geste de clémence à l'endroit de tout le monde, nous avons répondu, mes enfants et moi-même, à son appel historique pour construire les bases sur des bases saines. Et si aujourd'hui vous me voyez entouré de mes enfants et de mon beau-frère, c'est pour lui apporter la caution de toute ma famille et par-delà ma famille, de tous mes amis, que nous sommes décidés à coopérer dans la construction nationale qu'il entend lancer pour le plus grand bien de l'ensemble de notre peuple. En cette fin d'année 1987, c'est le colonel Ali Seibou qui succède à la tête de l'État et du Conseil militaire suprême au président défunt Seyni Kounché, dont il est d'ailleurs l'un des cousins. Le 18 décembre, il s'adresse à son peuple.